m'efface. Que veux-tu que je fasse? Je prends toute la place en face. Face à face, rime à coup de chasse. De tous ces MC de merde, moi je tire la chasse. Un nouveau inox est né. Ils sont frais, je viens te balancer. Me tester, tu peux pas détester. Tu le feras comparer, n'essaye pas. Me lâcher, n'espère pas. Chine le rap du majeur, lève bien haut. Je rappe pas pour les mineurs, mais pour les hauts. J'élève le niveau, fais rager les rivaux. C'est le sous les caniveaux, à l'arracher le flow. Style survêt, basket, casquette. J'rime à tue-tête, tu pas un poète. Ce son, c'est la fête, de peur, je m'entête. Le sang chaud, je reflète, si t'aimes pas, c'est ma carte. Sur scène ou dans la cave, mic en main, je me régale. Dans le rap, j'crève la dalle, j'm'imposerai au final. Sur scène ou dans la cave, mic en main, je me régale. Dans le rap, j'crève la dalle, j'm'imposerai au final. Le mic, c'est mon glaive, j'y crache toutes mes glaires. Voici le nouvel air, mec, de quoi t'as l'air. Le regard vers la scène, le beat, c'est j'crache toute ma haine, faut pas qu'il s'plaît. Sur scène ou dans la cave, le son des coiffes, dit j'ai fait péter les basses que le public bave. Lève-toi, dresse-toi, bats-toi, monte-leur. Que du reste, si t'en bats, c'est ton heure. Y'a comme un courant d'air dans le rap, y'a une évolution qui se fait up. La concentration monte, le son résonne. L'ampleur, c'est à son confort que je représente. La famille, la vraie, les lèches QG, frère. Chemin, je me ferai dans ce beat refrain. Les refrains kiffent et chantent avec moi le refrain. Tous les sons que je ferai, c'est ce qu'ils reflètent. Sur scène ou dans la cave, mic en main, je me régale. Dans le rap, je crève la dalle, je m'imposerai au final. Sur scène ou dans la cave, mic en main, je me régale. Dans le rap, je crève la dalle, je m'imposerai au final. Sur scène ou dans la cave, mic en main, je me régale. Dans le rap, je crève la dalle, je m'imposerai au final. Sur scène ou dans la cave, mic en main, je me régale. Dans le rap, je crève la dalle, je m'imposerai au final. C'est le soundcheck, c'est le soundcheck, c'est le soundcheck, c'est le soundcheck, je teste le mic, c'est le soundcheck, 4000 c'est ma life, c'est le soundcheck, c'est le soundcheck, c'est le soundcheck, c'est le soundcheck, c'est le soundcheck, je teste le mic, c'est le soundcheck, 4000 c'est ma life.